c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Cela fait maintenant 9 ans qu'il nous emmène en voyage à travers le monde avec pour fil conducteur de ses périples les voies ferrées des pays qu'il traverse. La 9e saison de la série Des trains pas comme les autres de Philippe Googler arrive sur France 5, dont le temps d'un bivouac est partenaire, avec de nouvelles découvertes qui valent le détour. Des trains qui gravissent des falaises en Équateur à ceux que l'on bricole au Costa Rica pour transporter les vaches, en passant par ceux qui permettent d'aller rencontrer les chasseurs de migales au Cambodge. Prendre le train avec Philippe Googler, c'est allé de surprise en surprise et de rencontre en rencontre. Un livre inspiré de la série en donne un aperçu plus complet. Paru aux éditions Albin Michel, l'ouvrage revient sur les précédentes saisons de ses aventures ferroviaires. Attention au départ, Philippe Googler nous emmène bivouaquer de train en train de l'Équateur au Cambodge en passant par l'Albanie. Et en fin d'émission, nous irons faire un tour aux Seychelles avec Sandrine Mercier du magazine AR. Voilà pour la feuille de route de la deuxième partie de notre bivouac. Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé sur France Inter. Hola, buenas. Je suis tout seul? Non, il y a un peu de monde. Ah, more people. On a 32 passagers. Ok. Ça, c'est la gare la plus haute d'un pays qui monte déjà très très haut. Parce que là, vous voyez, elle est au pied de la plus haute montagne du pays, qui est un volcan en fait. C'est le Chimborazo. Et tout là-haut, là, dans les glaces, dans la neige, on est à 6310 mètres. 6310 mètres. Ça rigole pas quand même. Et la gare là, elle est à 3610. Un extrait de l'épisode « Des trains pas comme les autres » en Équateur qui sera diffusé ce soir sur France 5 à 20h50. Philippe Googler, à quoi ressemble cette gare la plus haute d'Équateur, 3600 mètres d'altitude? Ouais, c'est incroyable. Quand on part en Équateur, on se dit « bon, moi je vais prendre un maillot de bain, je vais passer du temps sous les palmiers et il faut que je m'équipe pour la chaleur ». Eh bien, pas du tout. Si vous voulez un bon coup de frais, et on en a besoin en ce moment, allez en Équateur. Il faut toujours prendre sa doudoune là-bas. Il fait très frais. Et quand vous allez prendre le train dans cette petite gare perdu dans la campagne, il fait non seulement très frais, mais il vous manquait un peu d'air. À 3006, l'oxygène, ça commence à être un peu plus rare, et vous le sentez au souffle comme ça. Mmh. Donc, n'essayez pas en retard pour prendre votre train, parce que vous allez avoir du mal à courir, et puis vous allez attendre. Alors, attendre un peu ou beaucoup, ça, faut pas être trop regardant, mais vous allez attendre. Et puis, il y a un train qui va arriver. Et ce qui est extraordinaire en Équateur, c'est que quand on dit 3006, 6003, on s'attend à des montagnes à serrer, des pics, à des crevasses, mais pas du tout. C'est des montagnes plutôt douces. Alors, les plus hauts sommets sont quand même assez pointus, mais globalement, c'est de la montagne assez douce, assez ronde et qui se prête très bien aux balades en train. Ouais. Et c'est parfait pour découvrir le pays. Les paysages sont assez étonnants. Hein. C'est très vert. Ouais. Presque vallonné. En fait, on est en altitude, mais sur une sorte de plateau vallonné. C'est très joli. Oui, c'est très joli. Et il y a des trains de croisière qui se promènent là au milieu, tranquillement. Pareil, faut pas être pressé. Certains sont des trains de luxe. Donc vous êtes bien, vous avez vos petits cocktails, il y a des animations dans le train, vous passez du temps et vous regardez les paysages. Et puis au bar, si vraiment l'altitude nous pèse un peu, on peut se prendre une bouffée d'oxygène. Distribution. Oui, si ça va pas bien, vous allez demander un café et un petit coup d'oxygène. Et hop, ça vous requinque. D'ailleurs, il y a un autre train, alors c'est dans un autre pays que j'ai fait il y a quelques années, qui est en Argentine, qui monte lui aussi très très haut, à près de 4000 mètres. Là, il y a carrément une ambulance qui suit le train tout le long du parcours. Non mais parce que ça rigole pas, mal d'altitude. Mais je sais pas si c'est très rassurant. Mais non mais si, c'est rassurant parce que vous pouvez faire un œdème avec le mal d'altitude. Et ça peut être très grave. Chacun réagit différemment. Et donc là, il y a l'ambulance qui est là si jamais vous en avez besoin. Ça s'est bien passé pour vous, l'Équateur? L'Équateur, ouais, pas de problème. J'ai un mauvais souvenir en revanche dans une autre, c'était au Pérou. C'était notre premier train qui montait très haut. Alors, on avait fait la grimpette, on était contents, on arrive en haut, on était ravis, on était un peu pompette, c'est l'effet de l'altitude comme ça. Et puis on dit tiens, on va fêter ça, on va aller boire un coup, et c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Et là, franchement, le lendemain, on était très très mal. D'accord. C'est très désagréable. Ouais, donc surtout, on ne boit pas quand on est en altitude. Alors en Équateur, l'équateur, vous avez aussi vu un train alors, très étonnant qui gravit. Ils ont trouvé un système vraiment ingénieux pour gravir une falaise en ne faisant pas trop de travaux. Oui, alors ça, c'est vraiment une caractéristique incroyable de cette ligne qui part de la mer, donc 0 mètre, et qui grimpe la cordillère des Andes. Et il y a des passages abrupts, il y a notamment un endroit qui s'appelle la Nariz del Diablo, le nez du diable, et c'est une sorte de falaise d'un dénivelé de 800 mètres, et il faut que le train escalade. Et comment est-ce qu'on fait escalader un train sans faire de virage? Eh bien, vous faites un zigzag. C'est-à-dire que, je sais pas, à la radio, c'est pas simple à expliquer. Le train avance en montant vers l'avant, puis s'arrête au bout, puis recule en montant, etc. Il fait des zigs et des zags. Et à chaque zigzag, il grimpe de 90 mètres quand même. Ce qui fait qu'il fait les 800 mètres en 8 minutes. Et donc, c'est un véritable exploit technologique qui a été quand même conçu à la fin du 19e, début 20e. Donc, c'était vraiment un exploit à l'époque. Alors, c'est pas le seul train qui vous a conduit en altitude. En Suisse aussi, alors toute autre ambiance, tout autre train, vous avez pris un train. Alors, il vous a transporté un peu moins haut, mais quand même quasi au pied des pistes. Alors, c'est un train superbe, avec des paysages magnifiques. Oui, parce que les Suisses, ils savent faire. Alors, c'est à la fois pratique, parce que c'est un train qui vous permet d'aller de la France à l'Italie, mais à travers des paysages magiques. Il passe dans des endroits parfois où il n'y a pas de route, il n'y a que le train et la neige. Et le train, c'est une sorte de bulle de verre qui surfe sur la neige. Donc, il y a vous, dans votre bulle de verre, bien au chaud, avec un petit saucisson, un petit fromage suisse et un café. Et dehors, là, des gens qui marchent dans le froid, qui se gèlent. Et donc là, c'est le bonheur. Ouais. Alors l'épisode sur la Suisse, il a déjà été diffusé jeudi dernier, mais il est encore disponible en replay pour ceux qui l'ont loupé. Le réseau ferroviaire suisse, il est particulièrement bien développé? Oui, c'est l'un des réseaux ferroviaires les plus denses du monde. Les Suisses sont extraordinaires avec leur train. On peut aller quasiment partout en Suisse avec le train. Ouais. Les trains sont assez différents d'un pays à l'autre. Est-ce qu'ils sont révélateurs du pays dans lequel on se trouve? En gros, est-ce que c'est montre-moi ton train, je te dirai quel pays tu es? Ah, il y a de ça quand même. Moi, je trouve que aller dans un pays en train, c'est découvrir un peu son âme. Quand vous allez au Japon et que vous apprenez que la moyenne annuelle du retard d'un train rapide, c'est combien? 6 secondes. J'ai appris ma leçon. J'ai appris votre leçon. C'est vrai que c'est incroyable. 6 secondes pour un train. 6 secondes, là, vous êtes au Japon. En moyenne. C'est-à-dire que si le train a 12 secondes de retard, le conducteur, il est convoqué au bureau. Ça va pas rigoler. Avec des trains ultra rapides, pour le Japon, c'est le Shinkansen. Et puis, alors, vous avez d'autres pays où c'est, par exemple, en Bolivie, je le cite souvent, celui-là, c'est ce petit bus Caril, qui est un vieux bus Mercedes des années 80, avec qui on a mis des roues de train et qui roule sur une voie unique. Mais c'est le seul lien entre les villages, donc tout le monde l'aime, ce train. En Colombie, des gens qui ont fabriqué leur train aussi, c'est quoi ça? Alors, en Colombie, moi, j'ai un petit faible pour les pays où il n'y a pas beaucoup de trains, parce que les voies ferrées sont utilisées par un peu tout le monde pour des tas de choses. Donc là, en Colombie, ils ont mis au point ce qu'on appelle la motomesa. Donc alors vous prenez une planche, sous la planche vous mettez 4 petits trous bricolés qui s'adaptent au rail, et puis à califourchon, avec la roue avant sur la planche et la roue arrière sur le rail, une moto. Et donc il y a quelqu'un qui monte sur la moto pousse la planche, vous mettez des bancs sur la planche, et ça vous fait un train. Ouais. C'est une motomesa. C'est ça. Mais alors là, c'est du bricolage. On utilise les voies, mais c'est une sorte de piratage. C'est des trains pirates, quoi. Oui, pirates, mais en même temps réguliers. Vous payez votre ticket. Il y a du monde. C'est un service régulier. Mais à la très très bonne franquette. Oui, à la très très bonne franquette. Il y en a un comme ça. Alors je l'ai pas vu cet épisode parce que on nous l'a pas donné. Mais au Costa Rica, je crois aussi que vous êtes monté sur un train à peu près comme ça et vous êtes fait une super frayeur. Oui. Alors Costa Rica. Alors c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que pareil, c'est une voie où il y a quand même un peu de trafic de fret, mais pas de passagers. Là, c'est pareil, c'est la débrouille, on utilise la voie comme on peut, et donc on se balade dans la jungle, et on croise des gens qui ont mis sur cette planche avec des roues de train dessous, ils ont mis une vache. Et donc, ils poussent la planche comme ça, et donc je me dis, mais pourquoi est-ce que vous faites avec cette vache-là? Qu'est-ce qui se passe? Elle est malade, et on l'emmène chez le vétérinaire. Ah bon, mais pourquoi vous allez pas par la route? Ben, parce qu'il n'y a pas de route, et puis, de toute façon, c'est le chemin le plus direct. Sauf que la voie, elle passe sur un pont, et vous savez, il y a des traverses, les ponts sont faits de traverses, mais les vaches, elles ont peur de passer là, parce qu'elles ont peur de se prendre les pieds entre les traverses. Et donc, on a couché la vache sur la planche, et on pousse, et on va pousser comme ça pendant une heure et demie. Et donc, je pars un peu avec eux pour, faire un bout de chemin avec eux, et là, arrive, en face, un train. un train de fret avec, vous savez, le gros phare blanc sur l'avant allumé à fond, toute sirène hurlante, il klaxonne parce que on ne sait pas à quelle heure passent les trains. Donc du coup, forcément, il y a des rencontres malheureuses. Oui, c'est quand même super dangereux ces trains sauvages qu'on fait rouler sur les voies où de vrais trains circulent à toute blinde. Oui, mais c'est comme ça. Ah oui, d'accord. C'est comme ça. Et donc le train arrive et si vous voulez savoir la suite, il faut regarder l'émission. Ah ouais, quel suspense. Je peux même pas la raconter parce que moi je l'ai pas vu non plus cet épisode. Toujours côté bricole en Équateur. Vous êtes monté à bord d'un train-bus autoferro et vous êtes allé tout naturellement discuter avec le chauffeur. Voilà. Bonjour, je peux vous parler? Puedo hablar contigo? Claro. Bien sûr, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Et il est dingue cet engin. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un bus, un camion, les deux? Voilà. En fait, c'est un autoferro. C'est un bus qui a été adapté. On lui a mis des roues de train à l'avant et à l'arrière pour qu'il puisse rouler sur des rails. Alors, pourquoi avoir pris un bus pour en faire un train et pas avoir choisi un train, tout simplement? Parce que c'est moins cher de transformer un bus et en plus c'est facile à adapter. Du coup, ça coûte moins cher à l'entreprise. Et c'est plus rapide parce que c'est plus léger. Mais alors, vous, officiellement, vous êtes chauffeur de bus ou conducteur de train? Ah non, je suis conducteur de train. J'ai suivi une formation pour être conducteur de train. Oui, mais ça se conduit comme un bus. Il y a un levier de vitesse, un volant de bus, c'est tout comme un bus. Oui, mais regarde, en fait, c'est le volant d'un bus, mais il sert de frein. C'est quand même sacrément rustique ce train et on se dit s'il prend le réflexe de tourner le volant pour freiner quand il remonte à bord d'une voiture, on n'aimerait pas être à bord. Et quand je dis que c'est rustique, on apprend aussi que le chauffeur a une machette oui. Sous son siège et puis quand la voie, il faut la déblayer, il y va directement. Il descend, il dit à tout le monde d'attendre, il va déblayer la voie, couper les branches, s'il y a un animal, il l'éloigne. Voilà. Ouais. Alors, il y a autre chose qui vous a marqué sur ce trajet-là. Là, c'est pas une ambulance qui escorte le train, c'est des motos. Ah! Alors ça, c'est incroyable. Et franchement, en plus, on le savait pas. On l'a vraiment, vraiment découvert sur place. On roulait donc dans un train équatorien, puis je vois des motos qui suivent le train, mais de près. Et puis je me renseigne, et puis les gars me disent, c'est les gardiens des passages à niveau. Je dis, ah bon, et comment ça? Ben oui, parce qu'en Équateur, il y a très peu de trains. En fait, il y avait plus de trains en Équateur. Il y a des trains qui ont été remis en service très récemment. Donc les gens n'ont pas l'habitude du train. Il y a même des jeunes qui ne savent pas à quoi servent les rails qui sont là. Ouais. Et donc, il y a des trains qui roulent, et au passage à niveau, les gens ne savent pas à quoi servent les passages à niveau. Donc, ils se demandent pourquoi il y a les barrières, ils passent pas. Et puis, de toute façon, même quand ils savent, ils ont une tendance à passer. Et puis, de toute façon, il y a des passages à niveau où il n'y a pas de barrières. Donc, les motos suivent en permanence le train, en le précédant légèrement, et vont se positionner au passage à niveau pour garder les passages à niveau et empêcher les voitures de passer. Mais c'est un travail incroyable parce que les motards, vous savez, il y a rarement une route qui suit la voie ferrée en parallèle tout le temps. Mmh. Donc, des fois, il faut prendre un sentier, un chemin de terre qui suit la voie. Il faut aller à toute vitesse, à la vitesse du train et même un peu plus, à moto. Ils prennent des risques, c'est des cascadeurs, les gars, pour arriver à toute vitesse au passage à niveau d'après et assurer la sécurité. Mais c'est des anges gardiens du train, ils sont une escouade de 6-7, ils sont fabuleux, les gars. Ouais. Philippe Googler, nous allons partir sur les voies ferrées du Cambodge avec vous dans un instant. C'est une des destinations de la nouvelle saison de votre série Des trains pas comme les autres qui démarre sur France 5. Le temps d'un bivouac de train en train sur France Inter. جيرتي دبري عريس احصائيات اغلب الازواج بتنام شعنا في الفراش امي على الايفون سيري زبط عريس قولوا لابن الحلال يستنى لانه العالم عم بستناني بلاقي شريكي بعد ما لاقي حالي حاليا صحت العزوبية صباح الظهرية المرخية انت نجوزك يمه تصلي امتى تيجي عندنا C'était Emta Njazak et Yama de Dame sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Bonjour les vaches. Et il y a déjà pas mal de passagers qui attendent le train. Il y a une ambiance ici. Hello. Bonjour. Bonjour monsieur. Et qu'est-ce que vous faites avec vos scooters là? Vous les embarquez? Oui, parce qu'une fois arrivé en ville, je vais en avoir besoin pour me déplacer. Ah d'accord, et ça c'est un service de la compagnie, on peut toujours emmener son scooter. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est bien ça, c'est pratique. Nous voilà donc arrivés au Cambodge avec vous, Philippe Googler. Alors, les trains cambodgiens, bon, à part cette petite spécificité, on peut faire monter le scooter, n'ont rien de si extraordinaire, mais votre épisode sur le Cambodge est absolument passionnant parce que les trains vous emmènent dans des situations et avec des rencontres vraiment passionnantes. Je suis content que ça vous plaise. Non, mais ça dit à quel point la force du concept est robuste. C'est-à-dire que même si le train en soi n'est pas une révolution, n'a rien de pittoresque, c'est un bon moyen pour rentrer dans un pays. Parce que déjà ça raconte un petit peu de l'âme du pays, comme on disait. Et puis surtout, c'est un endroit pour faire des rencontres en prenant le temps. Donc, si vous voulez discuter avec monsieur et madame tout le monde d'un pays, quel meilleur endroit? Parce que vous allez passer du temps. Vous savez, quand les voyages sont longs, les gens, ils ont intérêt à passer un bon moment. Et le meilleur moyen de passer un bon moment, c'est d'être sympa avec son voisin et d'échanger. Et donc voilà. Et donc le lien, il se fait. Et pour ça, c'est. Et vous pouvez rencontrer tout type d'individus dans le train. Alors on va avoir l'occasion d'y revenir. On va voir les conversations parfois assez fortes et profondes que vous pouvez engager dans ces trains. Mais d'abord, commençons par les chasseurs de migales. Parce que l'un de ces trains vous a emmené à la rencontre. Comment vous aviez eu vent de l'existence de... Alors c'est une famille, hein, chasseur de migales, faut pas s'attendre à un commando. Oui. C'est une petite famille, mais tranquille, d'une douceur extrême, qui chasse les migales dans son jardin. Oui, c'est ça. Mais parce qu'il y a des endroits au Cambodge où la migale, c'est quasiment comme le ver de terre chez nous. C'est-à-dire que vous en avez plein au fond du jardin, dans des trous, et donc vous avez des gens qui se font une spécialité de les récupérer, parce que là-bas, c'est un mets assez prisé, et vous trouvez... Et comment on y a pensé? Tout simplement parce qu'il y en avait sur les marchés à vendre et à grignoter. Donc on s'est dit, si elles sont sur les marchés, c'est qu'il doit y avoir des gens qui les attrapent. Et donc, c'est une petite famille, avec le papa, la maman, etc., qui vont chasser la mygale l'après-midi au fond du jardin. Et donc, eux, ils marchent en sandales et en tongs. Moi, j'étais terrorisé. J'avais mis des grosses chaussures et des chaussettes. Ouais. On va voir, on va y aller avec vous dans ce jardin. C'est vrai que manifestement, bon, le jardin regorge de mygales. Ils étaient beaucoup plus tranquilles que vous. Bonjour, Soucédé. Bonjour. Vous cherchez des tarentules ? Oui, oui, je cherche. Ça ne risque rien. Elles restent cachées dans leur trou. Tiens, regarde. Ah oui, oh mais c'est un gros trou. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc blanc ? C'est l'œuf de la tarentule. C'est un œuf d'une tarentule ou un œuf avec plusieurs tarentules? À l'intérieur, il y a beaucoup de petites araignées. Ah, c'est une drôle de sensation. Hein. On n'a pas envie de le crever. C'est la sensation de l'œuf poché, mais avec des tarentules en guise de jaune. Ouh, la voilà. Ah, elle est là. Ouh. Non, non, ne l'approchez pas. Ah, on voit bien les crochets, là. Hein. Alors, honte à moi, hein, j'ai mélangé tarentules et mygales, mais enfin, au chapitre des araignées qui sont pas très rassurantes, elles tiennent la corde. Ce sont donc des tarentules que vous avez déterrées. Quel souvenir vous gardez de ce moment? Au début, vraiment, vous emmenez pas large. On voit que vous faites pas semblant. Hein. Ah, je fais pas semblant parce que moi aussi, je me suis laissé emporter par la mygale. Ouais. Les tarentules, c'est juste un animal effrayant avec des crocs très venimeux. C'est vraiment très dangereux pour l'homme. Et donc, j'y suis allé vraiment avec beaucoup de réserve parce que moi, j'aime pas ces bébêtes qui courent très vite. Et qui vous piquent et vous mordent. Donc, alors ils étaient très relax et ils ont une façon de l'attraper très particulière, c'est que dans le nid de la tarentule, il y a un œuf. Et donc, en retirant l'œuf du nid, la femelle, c'est assez touchant d'ailleurs, s'accroche à son œuf pour le protéger. Donc, elle vient avec et c'est comme ça qu'ils attrapent. Alors, ils ont un tour de main pour l'attraper sans se faire mordre. Et très vite, ils lui enlèvent ses crocs. Et après, elle est relativement inoffensive. Ouais. Et j'ai eu une petite initiation à la manipulation de la mygale. Ouais. Une fois la tarentule, oui. Une fois qu'ils ont enlevé les crochets, on vous l'a déposé sur la main et finalement, ça vous a... Vous avez un petit moment de stress, mais en fait, comme déjà vous savez qu'elle peut plus vous mordre, vous êtes rassuré. Et puis surtout, alors la sensation de la tarentule sur la peau, c'est très doux, parce que ça a un poil très soyeux. Et donc, la tarentule, c'est comme une caresse, en fait. Ah oui. Vous êtes vraiment réconcilié avec ces araignées. Alors, eux, avec le venin, en tout cas, c'est ce que vous dit la mère de famille. Pour ceux qui voient mal, ils se mettent le venin dans les yeux. Je sais pas si on conseille ça, vraiment. Alors, ça, j'ai pas vérifié. J'ai pas fait vérifier par les autorités médicales. C'est une dame qui m'a dit que quand elle était petite, elle avait des problèmes de vue et que vraiment, elle avait tout réglé en pressant une tarentule dans son œil, en faisant sortir le venin. Bon, je ne conseille pas. Hein, On constate que la pratique existe. Après les avoir chassés, leur avoir cassé les crochets, vous les avez cuisinés, ces tarentules. Comment ça se cuisine? Ça se grille à la poêle, hein, une petite poêlée de tarentule. Alors les pâtes, c'est pas mauvais. C'est un petit goût, c'est un mélange poisson-poulet, si vous voulez. Ouais. Un petit mélange des deux. En revanche, je vous déconseille tout particulièrement, parce qu'ils ont bien rigolé, ils se sont moqués de moi sur place. Je vous déconseille tout particulièrement l'abdomen qui est plein de tous les liquides qui se trouvent dans les intestins d'une tarentule et c'est une sorte de jus infâme. Ouais. Alors c'est un moment, en tout cas ce qui ressort des images, où vous avez l'air détendu et parfaitement serein au milieu de cette famille. Pourtant on imagine l'appréhension que vous aviez en allant à la chasse aux tarentules et là vous semblez vraiment conquis par le calme et la sérénité de cette famille. Mais ça c'est un truc du Cambodge. Ouais. C'est assez extraordinaire. Vous savez, il y a toujours une ambiance dans un pays que vous ressentez tout de suite et il y a une sorte de paix, de zénitude chez les gens. Et alors c'est toujours dur de faire des généralités sur les gens. Il y aura toujours un énervé et un calme. Mais globalement, vous avez une espèce de bienveillance comme ça qui règne et qui est très étonnante. Surtout dans un pays qui a vécu des moments assez tragiques. Et oui, parce que quand vous quittez la capitale du Cambodge, donc Phnom Penh, vous avez le sentiment d'être passé à côté quand même d'un élément essentiel de l'histoire du pays. C'est vrai que l'histoire du Cambodge est lourde avec les Khmers Rouges. Et vous reprenez un train et vous vous dites, est-ce que ce sujet est tabou? Est-ce qu'on peut parler de ça, comme ça, avec des gens qu'on croise? Oui, parce que ça a été un traumatisme absolue. Hein. Il faut quand même se souvenir que les Khmers rouges, dans les années 70, on parle de près du tiers de la population qui a été tué par les atrocités des Khmers rouges. C'est épouvantable. Et donc, je me dis, je voudrais en savoir plus sur comment est-ce qu'on voit ça, comment est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu quelque chose, etc. Et c'est difficile pour moi d'aller dans le train d'aborder ce sujet directement. Et donc, bah, j'ai posé la question aux gens, je leur ai dit, bah, est-ce que je peux vous en parler? Et il y a une dame qui m'a raconté son histoire. Il y a une femme qui a accepté de parler avec vous à cœur ouvert. Quand j'y repense, ça me terrifie. C'était atroce. D'une extrême violence. Tout le monde vivait dans la peur. On se disait que chaque jour était peut-être le dernier. Chaque jour, on remerciait Dieu d'être encore en vie. En fait, les Cambodgiens qui ont survécu à cette période sombre ont appris à être tolérants, à pardonner pour pouvoir vivre. Les personnes qui travaillaient pour les Khmers rouges n'étaient pas tous des monstres, mais ils devaient obéir aux ordres. Ils tuaient des gens pour ne pas être tués. Ce ne sont pas eux les responsables. Ce sont les dirigeants de l'époque. Et ça, ça vous suffit pour pardonner? Je pardonne aux personnes qui ne savaient pas. Ces paysans qui n'ont fait qu'obéir aux ordres de leurs supérieurs. Mais je ne pardonnerai jamais à tous ceux qui ont manipulé le peuple et tué tant d'hommes et femmes. Ça, je ne peux pas le pardonner. Ah, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci. Ça m'a fait du bien de parler de tout ça avec vous. Merci beaucoup. Il est fort ce témoignage que vous avez pu recueillir. Alors, je vous ai demandé en préparant l'émission, mais est-ce que c'était prévu? Est-ce que vous l'aviez rencontrée avant, cette dame? Non, vraiment, vous l'avez rencontrée dans le train et vous avez obtenu... Elle s'est vraiment livrée? Oui, mais vous savez, dans les trains, on a du temps. Et les gens vous voient comme un étranger, curieux d'eux-mêmes, donc ils ont envie de se raconter. Et c'est vraiment, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce programme, c'est qu'on a le temps d'écouter les gens. Et je pensais à un autre exemple de pays qui a vécu des choses très très très difficiles, c'est l'Albanie. Où, franchement, vous pouviez faire... L'Albanie s'est ouverte au monde dans les années 90, c'est très récent. Mm-hmm. Franchement, vous montez dans un train en Albanie, une personne sur trois va vous raconter quelque chose de poignant. C'est parce que, vous savez, l'intérieur, les rencontres dans les trains, c'est l'histoire qui tout à coup a un visage. L'histoire qui se raconte par des petites anecdotes, par des petits moments de vie, plus ou moins graves, mais là, vous êtes avec les gens. Ouais. Peut-être aussi parce qu'il y a la caméra, parce que quand on prend le train, c'est pas à ce point tout le monde qui vient vous parler, ou alors c'est vous qui avez cette façon de mettre tout le monde à l'aise, de créer une ambiance dans le train qui fait qu'on vient vous parler? Bah, les gens ne se jettent pas sur moi pour venir me parler, mais je vais vers eux, je vais m'asseoir à côté d'eux, je leur demande si on peut parler, et puis ils ont le temps, et en général, on vous dit oui, hein, mais vous pouvez essayer dans la vie, ça marche. Ouais, il faudra que j'essaie comme ça. Suite de nos aventures ferroviaires avec Philippe Googler qui présente la série documentaire Des trains pas comme les autres sur France 5. Nous allons justement rester en Albanie dans un instant. We'll be right back. Si belle sur France Inter. Alors ça, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans un train au départ d'une capitale. Je roule, tout seul, à travers la campagne albanaise. Et je ne peux pas m'empêcher quand même d'arpenter le train à la recherche d'une âme qui vive. Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir là ? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites là, toute seule, avec votre petit réchaud, votre petit... J'ose pas soulever. Ça, c'est pour me faire mon petit café, histoire de passer le temps. Parce que le temps est long, il n'y a pas grand monde. Oui, ça a bien changé. Je me sens un peu seule parfois, je m'ennuie. J'avais 30 ans quand j'ai commencé mon boulot de contrôleuse. Il y avait beaucoup de personnel. Il y avait une super ambiance. On faisait des longs voyages, on traversait tout le pays. Mais les gens aujourd'hui nous ont abandonnés. Ils ne prennent plus le train, mais la voiture. Philippe Googler, vous avez l'art de vous mettre dans des situations étonnantes avec cette série des trains pas comme les autres. Là, nous étions donc en Albanie. C'est presque le départ d'un film, cette histoire, cette contrôleuse, toute seule, à bord d'un train vide, une sorte de train fantôme. Un train déglingué. Ouais. Et les vitres sont cassées. Il y a des endroits, c'est des journaux qui font joint pour faire tenir les portes, pour pas que l'air passe trop. Les trains albanais sont dans un état effrayant. Ouais. Et il y a même un truc assez étonnant, c'est que dans la capitale du pays, Tirana, si vous cherchez la gare, vous ne la trouverez pas. Elle a été rasée. Et donc, pour aller prendre un train au départ de la capitale du pays, il faut aller dans un petit bled, un peu en banlieue. Et là, vous êtes dans une gare désolée, vous avez un train en lambeaux qui arrive. Il n'y a absolument personne dedans, mais il y a une ambiance assez incroyable. Ah ouais. Il y a cette petite dame au fond, cette contrôleuse, elle a à côté d'elle un réchaud posé sur le siège, un petit réchaud à gaz, et puis elle vous dit venez vous asseoir, puis elle vous fait un petit café à l'italien, elle a tout hein, avec le petit truc pour presser le café, et elle vous parle pendant des heures, et elle est là, elle est un peu désolée des conditions dans lesquelles elle vous reçoit, hein, mais elle est généreuse, et puis vous passez un bon moment. Mais pourquoi les gens ont arrêté de prendre le train comme ça en Albanie? Bah, les trains ont été un peu laissés à l'abandon, ils roulent tellement lentement que... Faut vraiment vouloir prendre le train, parce qu'en voiture, vous allez toujours beaucoup plus vite. Alors, je sais qu'il y a des projets, hein, pour relancer les voies ferrées en Albanie, il y a une vraie volonté. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Ouais. Vous disiez quand même que dans certains des trains d'Albanie, vous avez pu rencontrer des gens et notamment parler de cette situation pas si lointaine où ils ont eu à subir la dictature. Oui, parce que la dictature, ça s'est terminé, début des années 90. Et moi, quand j'étais, ce pays, j'étais vraiment très ému d'y aller, parce que quand j'étais adolescent, sur les cartes de géo, je sais pas si c'était pareil pour vous, sur les cartes de géo, l'Albanie, c'était en gris. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. C'était comme l'URSS. Et donc, se retrouver en Albanie, comme ça, c'était ouvrir une porte d'un endroit mystérieux. Et c'est un pays qui s'ouvre lentement, qui part de très, très loin. Et tout le monde, là, a vécu des choses incroyables. Je discutais, dans le train, toujours, avec un monsieur qui, je lui disais, mais comment c'était pendant la dictature? Comment ça se traduit au quotidien, la dictature? Elle me disait, c'est simple, si par exemple, il y a un moment où on avait un peu faim, le gouvernement nous envoyait du pain, et il y a un voisin qui s'est plaint parce que le pain n'était pas très bon, il a eu 4 ans de prison. Et c'était ça, ils n'avaient pas le droit de sortir du pays du tout. Mmh. Si vous sortiez du pays, vous étiez tout simplement exécuté et votre famille mis en prison. Mmh. Et c'est des conditions de vie au quotidien qui sont incroyables. Et ça, il suffit de prendre le train pour les entendre. Ouais. On s'en rend compte maintenant, au bout de la 9e saison de ce concept des trains pas comme les autres. Peu importe qu'il y ait un train extraordinaire, c'est vraiment le pays que vous visitez, des gens que vous rencontrez. Et même s'il n'y a pas de train, vous n'hésitez pas à quitter la voie ferrée quand l'occasion se présente, du moment que l'embarcation est originale, ça vous intéresse. Petit retour au Cambodge, au bord d'un lac. Là-bas, il y a un gars qui... Et qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un gars qui tire sa maison ? Oui, il tire sa maison. Il tire sa maison, mais pourquoi ? Il est obligé de la déplacer parce que le niveau de l'eau a beaucoup baissé. Sinon, il va se retrouver bloqué. On peut aller le voir ? Qu'est-ce que vous faites là exactement ? J'amarre la maison pour que le vent ne l'emporte pas. Et c'est bien comme ça, vous avez tout le temps des nouveaux voisins, vous vous ennuyez pas ? Oui, parfois je suis à côté de cette personne. Ensuite de celle-là ou de celle-là. Ça change tout le temps. Et donc, est-ce que parfois vous déménagez juste parce que vous supportez pas votre voisin ? Ah oui, ça m'arrive de changer de place parce que le voisin fait trop de bruit. Ou alors il est trop saoul. Alors je vais m'installer ailleurs. C'est étonnant, Philippe Googler. Pourquoi ces Cambodgiens sont là sur ce lac avec leur maison qu'ils déplacent ? Alors ça, c'est un endroit incroyable. Si vous allez au Cambodge, il faut que vous alliez au bord du lac Tonle Sap. Ouais. C'est le plus grand lac d'Asie du Sud-Est. Et c'est un lac qui a une particularité, c'est qu'il gonfle et il dégonfle. En fonction des saisons, il est alimenté par le Mekong, entre autres. Et en fonction des crues du Mekong, vous avez certains endroits du lac dont la profondeur peut varier entre 1 mètre et 9 mètres. Le lac peut grossir de 6 fois sa surface. Donc ça bouge tout le temps. Et comme vous avez des petites villes, c'est des vraies petites villes posées sur l'eau, si l'eau baisse et que votre maison est à sec et se met à pencher parce que le sol n'est pas plat, vous êtes embêté. Donc il faut prévoir la baisse des eaux et puis vous déplacez votre maison et vous allez vous mettre à un meilleur endroit. Mais il y a aussi le cas où votre maison se retrouve à côté, comme le gars nous raconte d'ailleurs dans le film. Il nous dit, mais j'étais à côté d'un gars, il rentrait sous tous les soirs, il criait, j'ai déplacé ma maison. Et c'est assez pratique. C'est vrai. Finalement, ça fait rêver. Vous avez quand même ce goût pour l'insolite qu'on retrouve dans tous les épisodes. En Angleterre, vous êtes allé voir un homme qui fait pousser des meubles. Alors, faut raconter ça. Ah, ça, c'est fou. Vous savez, une chaise, normalement, on prend des morceaux de bois, on les assemble et puis ça fait une chaise. Mais il faut des morceaux de bois. Lui, il fait pousser les arbres en forme de chaise, directement. Alors, il les tord un peu, il les taille, etc. Ça prend des années, ça peut prendre 7 ans pour faire une chaise. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'est un designer jardinier, je sais pas comment on l'appelle. Ouais. Et alors, il fait des chaises, il fait des tables. Ça prend un temps fou et c'est au nord de l'Angleterre, c'est très chouette. Ouais. Alors ça coûte évidemment très cher aussi, ces productions. Et ça coûte, une chaise, ça peut coûter 8-10 000 euros. Ouais. Ça redonne la valeur aux choses. Il faut déjà attendre le temps qu'elle pousse, faut être patient. Et puis alors, vous pouvez commander une chaise et puis l'arbre, comme il ne fait pas tout à fait ce qu'il veut, finalement il fait une table. Ah oui. Et dans ce cas-là, on repart avec la table. Vous pouvez faire recommander une autre chaise. Il faut vraiment être patient. Il y a d'autres destinations pour cette 9e saison que nous avons à peine évoquées. Par exemple, la Tunisie, on n'en a pas du tout parlé. Qu'est-ce qu'il y aura à voir dans la Tunisie ? Ah, la Tunisie, il y a plein de choses. Il y a un moment assez touchant que j'ai bien aimé. C'est un gars que j'ai rencontré sur le marché qui vendait des roses des sables. Et puis, il me dit, mais moi, les roses des sables, j'en ai un peu marre de vendre ça. Moi, ce qui me plaît, c'est les météorites. Et venez avec moi chasser les météorites. Météorite dans le désert. Et je pars avec lui. Et puis on cherche. Et puis je sens bien que il y a un truc bizarre. On n'en trouve jamais. Il n'a pas vraiment grand chose à raconter sur la météorite, mais on cherche. Et en fait, il voulait me faire visiter le désert. Et son cadeau, ce qu'il appelait la météorite, c'était son cadeau. C'était de voir la beauté du désert. Je le raconte pas très bien. Il le raconte beaucoup mieux que moi. C'est un poète. Et à la fin, on comprend quel est le cadeau. Et vous avez profité de cette visite du désert absolument superbe. C'est superbe. Ouais. Superbe. Le Costa Rica également, on en a parlé un petit peu, la Suisse avec ce réseau ferroviaire très développé, et puis le Royaume-Uni, les trains du Royaume-Uni n'ont pas toujours très bonne presse, est-ce que c'est justifié ? Alors il y a eu un passage assez difficile, il y a eu beaucoup d'accidents il y a quelques années, franchement la situation s'est améliorée, ça a beaucoup mieux, alors c'est très découpé entre différentes compagnies privées, etc., et globalement ça va. D'accord, oui. Ça va. Alors, il y a ces 6 épisodes qu'on peut découvrir sur France 5. Et puis, pour ceux qui voudraient revenir sur les précédents épisodes, il y a quand même 9 saisons, vous en avez fait. Vous avez l'intention d'aller comme ça jusqu'à combien de saisons, d'ailleurs, Philippe Googler ? Quand j'ai commencé, je pensais pas qu'on en ferait 9. Ouais. Et puis surtout, on découvre un truc très très sympa, c'est que moins il y a de trains dans un pays, plus on trouve des pépites insolites. Ouais. Franchement, on a fait un épisode en Colombie, on s'est fait un peu peur, on s'est dit on va rien trouver. Eh ben si, on a trouvé des tas. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de trains, les voies qui sont là, elles sont utilisées à des tas de choses diverses par les gens, et des trains pas comme les autres, il y en a plein. Ouais. Alors pour ceux qui voudraient en avoir un aperçu un peu plus global, il y a ce livre « Des trains pas comme les autres » paru chez Albin Michel, où vous revenez sur les 8 saisons précédentes. Je vous ai demandé tout à l'heure, alors lequel, si on devait en retenir qu'un, on va dire oh, ça c'est la question qui tue, je vais avoir du mal à trouver. Est-ce que vous avez eu le temps d'y réfléchir depuis C'est très, il y a plein, il y en a plein qui sont merveilleux. Il y en a un que j'adore qui est en Namibie, qui est un train, mais c'est du cinéma quand vous le voyez passer au milieu du désert, des dunes gigantesques. Et il est fabuleux. Il y a un train qui passe au-dessus des chutes du Zambèze. Donc vous êtes au-dessus des chutes, c'est un petit train de luxe. Et on vous sert une petite coupe de champagne quand vous êtes arrêté au milieu du pont avec les chutes en dessous de vous. C'est un moment magique. Il y a des après rouler dans un Shinkansen japonais à toute vitesse avec tous les businessmen, tous habillés un peu pareil, pas très marrant. Mais c'est en même temps c'est tellement cliché. Vous vous dites c'est pas possible. C'est une mise en scène. C'est un décor, ben non, vous êtes au Japon. Et il y a tellement de choses dans les trains. Finalement, vous ne citez pas les plus classiques. Par exemple, vous ne me parlez pas du Transsibérien. C'est pas forcément les plus attendus qui vous ont le plus séduit. Ben, je vais vous dire un truc, je vais peut-être vous décevoir. Le Transsibérien est loin d'être mon préféré. Parce que d'abord, il y en a plusieurs. Le Transsibérien, c'est une ligne. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme si vous disiez le Paris-Lyon. Donc, il y a plein de types de trains. Mais le Transsibérien, c'est très, très long. C'est 9 jours. Et la Sibérie, alors, c'est bien 2 jours, 3 jours. Mais au bout du 4e jour de défilé de boulot, et si vous prenez le train, alors si vous prenez un super train de luxe, là, vous n'allez pas rencontrer beaucoup de Russes. Vous allez être bien. Bon, tout va bien, mais c'est très cher. Si vous prenez le train des Russes, ben, c'est un train ultra basique. Et 9 jours, dans un train ultra basique à regarder passer défiler les boulots, c'est un voyage intérieur là pour le coup. Hein. Quel est le train ou le pays que vous n'avez pas encore visité et que vous rêveriez de faire et que vous n'avez pas eu l'occasion ou la possibilité de faire? Moi j'aime beaucoup les trains africains parce qu'il s'y passe toujours des choses folles. Vous êtes à peine parti, vous avez des aventures. Donc moi je suis encore un peu faible en exploration sur toute la partie de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas fait encore beaucoup d'épisodes, mais c'est en prévision. Ah bah très bien, et puis comme ça vous donnera l'occasion de revenir pour nous en parler. Merci Philippe Googler, à découvrir donc sur France 5 la 9e saison des Trains pas comme les autres. Ce soir ce sera l'Équateur à 20h50 et puis votre livre Des Trains pas comme les autres aux éditions Albin Michel. Merci à vous. Merci Philippe à vous. Googler. Dans un instant nous changeons de moyen de transport. Ah oui j'ai dit que c'était, oui c'est ça, c'est l'Équateur hein, tout à l'heure. Nous changeons de moyen de transport, on quitte le train pour le bateau. Sandrine Mercier du magazine AR nous emmène faire un tour aux Seychelles. Je n'ai pas prévu de rapper plus. Monsieur. HIP m'a chopé. Je me suis mis à rapper. HIP m'a chopé. Je me suis remis à chanter. C'était Joe Joa et Lieutenant Nicholson, tous ensemble sur France Inter, et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Djoubaka. Et à 17h53, presque 54, on met le cap sur les Seychelles. Attention, attention, l'amiral vous parle. Le temps d'un bivouac. Comment est l'équipage ? De premier choix, capitaine. Et tous des volontaires. Bon. Sur France Inter. Ok les gars, voilà le plan, on avance. Bonjour Sandrine Mercier. Bonjour Daniel. Rédactrice en chef de AR, magazine voyageur, dont nous sommes partenaires. Et le dernier numéro qui vient de sortir, hein, qui est tout juste dans les kiosques, nous propose un voyage d'île en île avec, parmi ses destinations, les Seychelles. Où vous êtes allée, Sandrine Mercier? On est dans l'océan Indien. Le décor est superbe, les photos sont sublimes. C'est vrai qu'avec Virginie Suère qui a fait les photos, on a passé une semaine sur un bateau et c'était idéal pour prendre ces îles qui sont vraiment incroyables. C'est tellement beau que je ne conseille pas aux gens d'y aller avant 40 ans parce qu'après ils vont trouver tout fade dans leur voyage. Alors décrivez-nous cet endroit justement. C'est vrai que c'est une multitude d'îles, il y a à peu près 100-115 îles dans l'archipel des Seychelles, mais nous on est restés dans les îles du Nord qui sont donc granitiques. C'est quand même un relief escarpé. Et il y a ces plages qui sont presque des anses parfaites avec un sable très blanc qui brille même. Et les fonds sont translucides. On voit des raies, on voit des tortues nager. Mais tout ça, vous êtes à un mètre sous l'eau, quoi. Vous mettez votre masque, votre tuba et vous êtes au milieu de l'aquarium. Les baies, justement, ces paysages sont assez uniques comme ça au milieu de l'océan Indien. Qu'est-ce qui explique géologiquement les paysages que l'on voit ici? Alors, il faut revenir en fait à l'époque du Gondwana. Ça vous parle, le Gondwana? Oui, alors c'est ce grand continent unique, hein, à l'époque où tous les continents n'en faisaient qu'un. Voilà, alors on dit que c'est quoi, 600 millions d'années ou 700 millions d'années. Et donc à l'époque, ça rassemblait l'Afrique, l'Arabie, l'Inde, l'Amérique du Sud, enfin tout était là. Et au fur et à mesure, il s'est disloqué. Et en se disloquant, donc, il y a eu aussi la fonte des glaces. Donc le niveau des mers a vraiment augmenté énormément. Et du coup, le sommet des montagnes constitue les îles des Seychelles qu'on trouve comme ça au milieu de l'océan. Et donc c'est bien granitique, c'est une roche qui vient du continent. C'est pas du tout une éruption volcanique. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on a ce paysage incroyable de grosses roches granitiques, du granit complètement érodé par ces millions d'années. Et ça crée ces paysages, mais qu'on ne trouve qu'ici. C'est unique, on ne les trouve que là, aux Seychelles. Ouais. Et alors, en termes de biodiversité, on a aussi une faune et une flore qui vaut le détour, j'imagine. D'abord, il y a une réserve. Ils ont 60% de leur territoire qui est classé réserve naturelle. Ça en fait le territoire au monde qui protège le plus. C'est aussi bien marin que sur la Terre. Et ils sont vraiment un sanctuaire pour quand vous êtes contemplatif comme ça, il y a vraiment plein de choses à voir. Ils conservent des animaux absolument sur toutes les îles. On peut trouver, par exemple, les tortues géantes. Elles sont arrivées d'Aldabra, c'est vraiment une île corallienne tout au sud. Mmh. Elles n'avaient plus assez pour vivre. Et donc, pour qu'elles puissent vivre jusqu'à normalement 250 ans, eh bien, ils en ont transporté quelques-unes sur l'île Curieuse, par exemple. Et là, il y en a une centaine. Et quand vous débarquez, vous marchez au milieu de ces tortues géantes qui font au moins 1,20 m. Elles marchent et vous pouvez leur gratter le cou parce qu'elles sont assez. Elles vivent leur vie de tortue. Elles sont dociles. Elles sont dociles, ces tortues. Et alors, est-ce qu'on trouve aussi sur ces îles des histoires de trésors, des trésors de pirates, comme souvent avec ces îles perdues au milieu de l'océan. C'est vrai que c'était un refuge à l'époque. Bon, le plus connu, c'est peut-être la Buse qui arrivait de la Réunion. On dit que son trésor est toujours recherché là-bas. Il avait lancé son cryptogramme au moment où il a été condamné à mort, en disant à celui qui saura le trouver. Donc il resterait un trésor à découvrir sur ces îles, forcément ça. Mais ils cherchent tous un trésor, parce qu'on sait que tous les pirates en ont laissé à cette époque, puisqu'il y avait beaucoup de bois pour réparer les bateaux. C'était isolé, donc ils pouvaient se reposer ici, être à l'écart. Alors d'autres îles sont à découvrir dans AR Magazine Voyageurs. Vous nous emmenez dans d'autres archipels qui font encore rêver. Hein. On va dans la Polynésie française, on va à Mayotte aussi, on ne le sait pas forcément, c'est vraiment une belle inconnue, ce 101e département français avec des balades incroyables à réaliser. Et puis on va au Féroé, un peu de fraîcheur en ce moment, puisque c'est vraiment la dernière destination qui monte. Les Féroé, vous vous situez, c'est entre l'Islande et l'Écosse, c'est pareil, un petit archipel perdu, et ça commence à s'ouvrir, il y a quelques petits hôtels, et donc on propose aussi un regard de photographe, et d'ailleurs le 29 juillet, c'est la Saint-Olaf, c'est la fête nationale, ils ont tous leurs costumes, ils font des courses de bateaux, ça vaut vraiment le coup d'y aller à ce moment-là. Merci Sandrine Mercier, tout ça est à découvrir dans AR Magazine Voyageurs, qui est actuellement dans les kiosques et dont le temps d'un bivouac est partenaire. Debout, vite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu fais tes valises et tu fonces à la gare. Demain, les langues vont se délier dans le temps d'un bivouac. Nous nous intéresserons aux langues régionales de France et nous irons également à la découverte de dialectes beaucoup plus lointains avec un linguiste de terrain. À demain donc pour de nouvelles aventures.